Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. Tu me rachètes au Seigneur. Dieu de vérité, sauve-moi, mon Dieu, dans ton amour, sauve-moi. J'entends les calomnies de la foule de tous côtés. C'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter. Je suis sûre de toi, ô Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent.